Alexa. Bring them out, bring them out. G-Wanted, Kaoras, Mr. G, Silco. Ouais, ouais. Écoute ça, Ridicule Beto, Garcia quoi, Studio du Bled Production. Ah, aïe aïe aïe. Armée cagoulée, t'as voulu nous rouler en appelant les poulets. Mais maintenant tu vas couler, parce qu'ici c'est bas de baseball. Tu peux lever la tête, oh si tu vas je te tête. Oh je rappe en solo, avec mon rap c'est comme si tu gagnes au loto. Bingo, tu gagnes le gros lot. Check que c'est Mika, ok. Armée cagoulée, Orini chargé. Ouais ouais, ok. Ça c'était G-Wanted. Ramène ta mère là, je vais faire la salsa. G-Wanted, Kaoras, Silco, Mr. G. Ok, armé, cagoulé, Orini chargé. Avec moi tu peux teaser, tu peux miser. Et ta meuf peut pas criser. Le soleil verse moi, le carreau peut se briser. Je suis en outil TT, quand je serai dans la cité. Immatriculé, 02 près de partez. Armé, cagoulé, Orini chargé, bla. Yeah, yeah. Ramène ta meuf, t'inquiète. Ouais, ouais, si, si, Orini Club Bédo. Orini Club Bédo. Orini Club Bédo. Orini Club Bédo. Orini Club Bédo. Aujourd'hui, le rap ricain, elle en fait trouver quelqu'un. Un style italien, marié à un style ricain. En père de All-Star ou en père de requin. Mon rap est stylé comme un arlequin. Je suis le big boss en lias de Rick Cross. T'auras plus la puce dans la dissipée. Tu peux filtrer, rester bloqué, mes mots sont trop bien placés. Je fais bouger les montagnes, en sortie jusqu'à nos bras, tête de champagne. Bla. Ouais, ouais. C'est le son de Orini Club Bédo, studio du Bled Production. Aïe. Écoute ça. Écoute ça, splat, splat, splat. Orini Club Bédo. Orini Club Bédo. Orini Club Bédo. Club Bédo. Club Bédo. Do, do. Ouais, ouais, et là je vous présente Silco et Mr. G. T'inquiète, Freestyle Junior Senior Volume 2. Ah, Orini Club Bédo, Studio du Bled Production. Silco, garde les pieds sur terre, pas comme certains qui font la grosse commerce. Studio du Bled, production, bientôt la mixtape sans expression. J'suis comme un tigre blanc, avec le regard méchant et le profil méduisant. J'suis comme un renard des neiges, mes sons te tendent comme un piège. Mr. G c'est mon blaze, Mr. G pas le gros naze. Mon son c'est puissant qu'un blaze. Vas-y essaie de big crab et tu finis dans la cave. Ouais si ça barre toi, ouais c'est ça rentre chez toi. Et surtout me teste pas, sinon tu le regretteras. T'en as pas marre, je le grand, tu vas voir comment je suis méchant. La Orini Club Bédo, les plus grands rappeurs débarquent au studio. Et surtout pas les vieux fachos. Mon rap c'est du compresto, alors devant le mic c'est à fond. Si tu critiques ça finit en baston. Les flics sont tous des ripous, surtout ceux qui viennent de chez nous. Alors parle pas avec nous.